Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? Prions. Just invite the Holy Spirit tonight. Invitons tout simplement le Saint-Esprit. Just ask the Holy Spirit to be upon you, to be in you. Demande au Saint-Esprit d'être sur toi et en toi. Ask that the sweet influence of the Holy Spirit be present. Demande à ce que la douce influence du Saint-Esprit soit présente. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you here tonight. We ask for your sweet influence in this place. Ta douce influence en ce temps. Holy Spirit, touch our hearts. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Change our lives. Change nos vies. Heal our hearts. Guéris nos cœurs. Deliver us from evil. Délivre-nous du mal. Father, help us. Père, aide-nous. That we may be that which you want us to be. Afin que nous soyons ce que tu veux que nous Thank soyons. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Merci, we bless you and we give you all the honor, all the praise. Nous te bénissons, te rendons tout l'honneur et la Thank la you, louange. Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, we bless you. We thank you for your word. We thank you for the grace to even be present here tonight. May it go well with us. May we be transformed by your word, O God. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. Wow, it's been a long time since we met on a Wednesday. Wow, ça fait longtemps qu'on s'est vu un mercredi. Have we met this year on a Wednesday? Est-ce que nous sommes vus cette année? Wow. Wow. C'est fantastique. Gaston, are you happy to be in church? Gaston, est-ce que tu es content d'être à l'église? I'm happy to see you. Je suis content de te voir. Amen. Amen. Well, as I was trying to find out from the Lord what to speak about, what to preach about. Alors que j'essayais de demander au Seigneur ce sur quoi j'allais prêcher. I couldn't find a message. Je ne trouvais pas de message. So I decided to look into my own heart. Alors j'ai décidé de regarder dans mon propre cœur. And I realized that as we've been praying and asking God for his sweet influence to be on our lives. Alors, j'ai réalisé qu'alors que nous prions et que nous demandions à Dieu la douce influence du Saint-Esprit dans nos vies, I was asking myself, what do I expect after this period of fasting and prayer? What do I want for my life? Et je me demandais, à quoi est-ce que je m'attends après cette période de jeûne et de prière? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? And I realized that I want to draw closer to God. Et j'ai réalisé que je vais être plus proche de Dieu. I want to be closer, not only in word but in deed. Je veux être plus proche de Dieu, pas seulement en parole, mais dans les actes. I want to pray more. Je veux prier plus. I want to enjoy my quiet time more. Je veux prendre plus plaisir à mes temps de méditation. I don't want it to be a duty, but I want it to be a pleasure. Je ne veux pas que ça soit un devoir, mais un plaisir. Recently, a young man wrote to me from Switzerland. Récemment, un jeune homme m'a écrit de la Suisse. And he was saying that he's struggling with his quiet time. Et il disait qu'il lutte avec ses temps de méditation. You know, he wants to know how it can get better. Et il aimerait savoir comment est-ce que ça peut s'améliorer. Sometimes he doesn't even have his quiet time. Parfois, il n'a même pas son temps de méditation. He feels guilty. Et il se sent coupable. Because he's always been taught, if you don't do it, God will be angry with you. And if God is angry with you, he'll punish you. So, each time it was like, something bad was happening. Il lui a toujours été enseigné que s'il ne fait pas son temps de méditation, Dieu ne sera pas content. Et si Dieu n'est pas content, il va le punir. Et à chaque fois, il se sent mal par rapport à ça. So we were chatting. It was actually on WhatsApp. We were chatting. I was counseling him on WhatsApp. Alors on discutait et j'étais en train de le conseiller sur WhatsApp. You, this is an e-pastor, I tell you. Je suis un pasteur de l'électronique. So we were chatting and I was trying to encourage him. I was like, if you miss your quiet time in the morning. Je discutais avec lui et je lui disais que si tu manques ton temps de recueillement le matin, at least before the evening comes, you must have spent some time with God. Au moins, avant que la nuit ne tombe, tu devrais avoir passé du temps avec Dieu. You must have opened your Bible to read scripture to find something that God wants to tell you. tu devrais avoir ouvert ta Bible pour lire un verset afin de trouver quelque chose que Dieu veut te dire. He said, yeah, but you know, sometimes when you can't, and it was the Sunday after, it was just after I preached on Sunday when I spoke about having time for God, you know. C'était juste après le dimanche où j'ai prêché d'avoir du temps avec Dieu. And I said to him, but you are married, you have children. Je lui ai dit, tu es marié, tu as des enfants. He said yes. Il a dit oui. I said, so is it a duty or an obligation for you to spend time with your wife and your children? Je demandais, est-ce que c'est une obligation ou un devoir, une obligation pour toi de passer du temps avec ta femme et tes enfants? Il a dit non. And I said, it's the same with, and why is it not a duty or an obligation? Je lui demandais pourquoi est-ce que c'est pas une obligation ou un devoir. Oh, but because I love them, she's my wife, and these are my kids. I want to spend time with them. Il a dit, oh, parce que c'est ma femme, ce sont mes enfants, je les aime et je veux passer du temps avec eux. The same way you love your family and you don't see it as a duty to spend time with them. If you love God, you will not see it as a duty. Et je lui ai dit, de la même manière que tu aimes ta famille et que tu ne le vois pas comme un devoir de passer du temps avec eux, si tu aimes Dieu, tu ne le verras pas aussi comme un devoir. And you will not feel guilty, oh, I didn't have my quiet time. Et tu ne te sentiras pas coupable en disant je n'ai pas eu mon temps de méditation. Rather you will be hungry for time with him. You would want it. Tu seras plutôt affamé de ça. Tu voudras ça. If you don't speak to God during the day, something should tell you that there's you are missing out on something. Si tu ne parles pas à Dieu pendant la journée, quelque chose doit te dire qu'il y a quelque chose qui manque. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? So we had this conversation for a few minutes. We were chatting. Nous avons eu cette conversation pendant and quelques he said, minutes. Wow, I wish I could save this conversation somewhere. Il a dit, wow, est-ce que je peux, j'aimerais garder cette conversation quelque part. And I just said, LOL, and then we parted company. J'ai juste envoyé LOL et puis on s'est séparés. And then a few days later, it was yesterday, early in the morning, hier, whilst très I was tôt, praying, le matin. I received a WhatsApp. J'ai reçu un WhatsApp. Because we are on WhatsApp to keep each other awake, I saw the WhatsApp and I wondered, what does he want? Alors, parce qu'on est sur WhatsApp et qu'on on garde tout le monde éveillé, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait. So I read what he said and he said, can you believe I've deleted our conversation? Et j'ai lu ce qu'il by a dit. By mistake. Il a dit, est-ce que tu peux croire que j'ai effacé notre conversation par erreur? So I said, oh, okay, I'm praying, so we'll chat later. He said, okay, sorry. Je lui ai dit, okay, je suis en train de prier, on va discuter plus tard. So after when I finished, I said, oh, what happened? He said, I don't know, I pressed something, everything is gone. I said, is there anything I can do? Et quand j'ai fini, je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne sais pas, j'ai juste appuyé quelque chose et tout est parti. He said, je demandais, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Can you do a, what does he call it? Snapshot of the page. I said, I don't know what that is. So he had to teach me how to do snapshots and send him back the pages. There were about 18 pages of conversation. Il m'a demandé est-ce que je pouvais refilmer les pages et les lui envoyer. J'ai demandé que je ne savais pas comment le faire. Alors, il a dû m'enseigner comment lui envoyer ces 18 pages. It was 18 pages of just conversation about quiet time. C'était 18 pages de conversation sur le temps de recueillement. And I thought the quiet time has become so much a part of me that I wonder why or how people still, I mean, I understand because I've gone through that struggle, but I wonder why people need convincing that the quiet time is important. Le temps de recueillement fait tellement partie de moi que je me demande comment les gens ont besoin d'être convaincus que c'est important. Because if you love somebody, you want to talk to them. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu auras envie de parler à la personne. If you love somebody, you want to hear from them. Si tu aimes quelqu'un, tu aimerais entendre cette personne te parler. And I even asked him. I said, you know, apart from the times when you quarrel with your wife, you want demander, to communicate with every day, don't you? À part le temps où tu as des querelles avec ta femme, tu veux discuter avec elle tous les jours, n'est-ce pas? And he said, but the quarrel is also part of the communication. Il a dit, mais les querelles aussi font partie de la communication. I said, exactly. So every day there is some form of communication with your loved one. Alors j'ai dit, exactement, tous les jours il y a un type de communication avec les personnes que tu aimes. So I said, so exactly the same thing. If you love God You should want that communication. Je dis c'est exactement la même chose. Si tu aimes Dieu, tu devrais vouloir cette communication. Are you understanding me? Est-ce que vous comprenez? But as we were talking, I realized that the more I realize how much I love the Lord, the more I want to be with Him. Alors qu'on parlait, je me suis rendu compte que plus je réalisais combien j'aime le Seigneur, plus je voulais être avec lui. And that feeling of guilt when you don't have your quiet time has been replaced with more of sadness. Like, oh, I have not been in touch with God today. You feel sad. Et ce sentiment de culpabilité qu'on ressent quand on n'a pas eu son temps de recueillement devrait être remplacé par la tristesse. So that before the end of the day, I must have contacted God. En te disant avant la fin du jour, je devrais avoir contacté Dieu. Anyway, all I'm saying is that after this time of prayer and fasting, c'est qu'après ce temps de prière et de jeûne, I realized that I want more of Him. I want more of God. J'ai réalisé que je veux plus de Dieu. I want to be closer to Him. Je veux être plus proche de Lui. So the song you sang was perfect. It's like the more I seek You, the more it's like I want You more. After these times of fasting and prayer, I don't want it to end. Après ces temps de jeûne et de prière, je ne veux pas que ça finisse. So, those people that I was exchanging with during the fast prayer time, we are still in touch and we try to keep ourselves awake and still pray. Les gens avec lesquels j'échangeais pendant le jeûne et la prière, nous sommes toujours en contact. Some of you have very happily put off your telephone in the night. Certains d'entre vous ont gentiment arrêté vos portables dans la nuit. But we want it to continue. We want it to go on and on. We don't want to stop. Mais nous voulons que ça continue. Nous ne voulons pas que ça s'arrête. So as I was reflecting, I thought, what can make me stop, or what will prevent me from drawing closer to God? Alors que j'y songeais, je me suis demandé, qu'est-ce qui peut m'empêcher de me rapprocher de Dieu? The one thing that came to mind, la chose qui m'est venue à l'esprit, is pride. C'est l'orgueil. Pride. L'orgueil. God hates pride. Dieu a horreur de l'orgueil. That's one thing we are told in the Bible that He detests. C'est l'une des choses qui est dite dans la Bible, c'est qu'il déteste. Amen. The Bible tells us very clearly that God hates pride. La Bible nous dit clairement que Dieu hait l'orgueil. Amen. And there are few things that will separate you from God. Et il y a des petites choses, certaines choses qui vont vous séparer de Dieu. One is unforgiveness. L'une, c'est le manque de pardon. Sin, le péché. And pride. Et l'orgueil. Is one of the things that the Bible tells us God hates. C'est l'une des choses que la Bible nous dit que Dieu déteste. And if He sees pride in you, the Bible tells us He will fight you. Et s'il voit l'orgueil en toi, la Bible dit qu'il va te combattre. So I started thinking about it. I said, God, pride is something that I need to fight against. Et j'ai commencé à penser à ça. J'ai dit, Seigneur, l'orgueil est une chose contre laquelle je dois lutter. Amen. Amen. So I want us to look at this thing called pride. J'aimerais qu'on regarde à cette chose appelée orgueil. So that together we will keep ourselves from falling. The Bible says pride comes before. Is it the Bible? Yes. Afin qu'on puisse être empêché de tomber, parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. At least something like that. Quelque chose comme ça. Amen. Amen. Hallelujah. In Proverbs 16, verse 18, the Bible says, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Proverbs 16, 18. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Can you see that? Est-ce que vous le voyez? How many of you want to fall? Combien d'entre vous veulent tomber? How many of you want to be destroyed? Combien veulent être détruits? And yet daily in our activities we show pride. Mais tous les jours dans nos activités nous montrons l'orgueil. And the Bible tells us very clearly that that one thing can cause your fall. Et la Bible nous dit que cette seule chose peut causer ta chute. It can cause your destruction. Elle peut causer ta destruction. Amen. Amen. Some of us say, oh, me, I'm not proud. Quelqu'un dira, moi je suis pas orgueilleux. Just the fact that you even say I'm not proud is pride. Juste le fait de dire que tu n'es pas orgueilleux, c'est l'orgueil. You are proud of the fact that you are not proud. Tu es orgueilleux du fait que tu n'es pas orgueilleux. Hallelujah. Hallelujah. And pride not only brings a fall, but the Bible says that it is by pride that most of the wars and contention will start. In Proverbs 13 verse 10, it says, only by pride cometh contention. La Bible n'emmène pas seulement la chute, mais en Proverbe 13 verset 10, il est dit, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. So anytime you quarrel with anybody, know that one of you or both of you is exhibiting pride. À chaque fois que tu as une querelle avec quelqu'un, sache que l'un d'entre vous ou vous deux manifeste l'orgueil. Says it's only by pride. Only. Il est dit c'est seulement par orgueil. That means the root of all quarrels is pride. Ça veut dire que la racine de toutes les querelles c'est l'orgueil. Think about it. Pensez-y. When you quarrel, what is it about? Quand vous vous querellez, de quoi est-il question? Somebody has not understood you. Quelqu'un ne t'a pas compris? I am right. I have to make it clear. J'ai raison, alors je dois éclairer les choses. And you must know that I am right and you are wrong. Et tu dois savoir que j'ai raison et tu as tort. Simple. C'est simple. And the Bible says that every single quarrel starts with the root of pride. Et la Bible dit que how many have quarreled this week? This week avec la racine de l'orgueil. You're not sure. Today? Aujourd'hui. You've not quarreled this week because you are here. Last week you quarreled. Yeah. Every root, every quarrel, the root of every quarrel is pride. La racine de toute querelle, c'est l'orgueil. Even the most quiet of people, where is Holly? Where is she? Oh, I just looked at her. She looks so sweet and innocent. Her name is Holy Lord. Holy Lord. That's même her name. Personnes, même les personnes les plus Holy, calmes. Holy Lord. That's elle s'appelle name. Dieu Saint. Do you quarrel? Est-ce que tu te querelles? Even Holy Lord quarrels. Do you see? And the Bible says that it is only by pride. La Bible dit que c'est seulement par l'orgueil. So he says, me, I don't quarrel. But the face alone that you have is more than a fight. Quelqu'un dira, moi je ne querelle pas, mais juste le visage, l'expression de ton visage, c'est plus qu'une bagarre. It speaks louder than any words that you can speak. L'expression de ton visage parle plus que les paroles que tu peux sortir de ta bouche. Hallelujah. Hallelujah. And once you are proud, quand tu es orgueilleux, you are in danger of falling. Tu es en danger de chute. You are in danger of being destroyed. Tu es en danger de destruction. Amen. The Bible Amen. Says it's by pride. Pride comes or goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. L'orgueil précède la ruine. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Only by quarrels. Only by pride do quarrels come. Hallelujah. Seulement par l'orgueil que viennent les querelles. So we need to be very careful. Alors nous devons faire très attention. That we stay away from pride, pride and proud behavior. Afin de nous éloigner de l'orgueil et d'un comportement orgueilleux. Proverbs 11:2 says, when pride cometh, then cometh shame. Proverbe 11:2 dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. La honte. Amen. Amen. Comes with pride, shame. La that honte means, no, when you are l'orgueil. Proud, you do something that will make you ashamed. Quand tu es orgueilleux, tu feras quelque chose qui va t'emmener la honte. You will say something and later on you say, oh, I'm sorry. Tu diras quelque chose et après tu diras, oh, or you behave in a certain way and later on you be shy. Like, oh, tu vas te comporter d'une certaine manière après tu seras I'm gêné. I'm sorry and the last time I don't know what happened. Tu vas dire, oh, je suis désolé, la dernière fois je ne sais pas ce qui s'est passé. Hallelujah. Hallelujah. So we need to be very, very careful of this thing called pride. Nous devons faire très attention à cette chose appelée orgueil. Some people, when you see them, you can see pride. Certaines personnes, quand vous les voyez, vous pouvez the voir way l'orgueil. They walk, leur manière de marcher. The way they carry themselves, leur manière de se déplacer. The way they behave, leur manière de se comporter. This girl, she's proud, oh. Cette fille, elle est orgueilleuse. Hein? And then you hear someone say, she's not even nice. Et tu entendras quelqu'un dire, elle n'est même pas jolie. She's proud, oh. Elle est orgueilleuse, oh. I don't know why she's so proud. Je ne sais même pas pourquoi elle est si orgueilleuse. She's not even nice. Elle n'est même pas jolie. Have you heard something like that vous avez before? Entendu quelque chose de ce genre? You've even said it before. Vous l'avez même déjà dit. Amen. Amen. But some people you can't see they are proud. Certaines personnes vous ne pouvez pas voir leur orgueil. Especially the phlegmatics. En particulier les phlegmatiques. They seem to be so cool and so. Ils apparaissent tellement cool. Nice. Très gentils. But. Mais. They have some stubborn spirit. Ils ont un esprit de têtutesse. Têtutesse, hein? Wow, what a word. It's a word. Quietly, stubbornly, resistant. Une résistante calme et têtue. Amen. Amen. It's all pride. Tout ça, c'est de l'orgueil. You cannot make me do what you want. Tu ne peux pas me faire faire ce que tu veux. I will do it when I want. Je le ferai quand je voudrais. When I am ready, I will do it. Quand je serai prête, je le ferai. All those subtle things. Toutes ces choses subtiles are related to pride. Sont en relation avec l'orgueil. And that is one thing that God hates. Et ça, c'est une chose the que Dieu déteste. Of pride is humility. L'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Amen. Amen. And we have a new book that's going to be released soon, but I have a copy already. Alors, nous avons un nouveau livre qui sera en vente très bientôt, mais j'ai déjà une copie. It's called Formula for Humility. Ça s'appelle la formule de l'humilité. Hallelujah. Hallelujah. And I'm going to give you a mini, a foretaste, if you like. Et je vais vous faire goûter, si vous voulez. Amen. You are privileged, par. Vous êtes privilégié. Hallelujah. Hallelujah. When we talk about pride. Quand nous parlons de l'orgueil. Because I think a lot of us are suffering. Parce que je sais que plusieurs d'entre nous en souffrent. From a certain condition. Souffrent d'une pride. Certaine condition d'orgueil. 1 Corinthians 4, verse 18 and 19. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 18 à 19. It says, now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. C'est si la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. 1 Corinthians 5, 1 and 2. It is reported commonly that there is fornication among you. And such fornication as is not so much as named among the Gentiles. That one should have his father's wife. And ye are puffed up. And have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Colossians 2:18, it says, let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Colossiens 2:18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Amen. Pride is the same as being puffed up. L'orgueil. Or being puffed up is being proud. Être enflé ou arrogant, c'est la même chose que l'orgueil. Amen. Amen. Pompous. Have you heard of the word pompous before? Être un but de ta personnalité. Don't you have pompous in French? Pompous. Pompeux. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. To be lifted up. You know, some people walk, when they're walking, it's as if everybody is below. Être élevé. Certaines personnes, quand elles marchent, C'est comme si tout le monde était en bas. The Bible is telling us that there are certain people who do certain things, and instead of being humble or coming down, you are rather puffed up. You are rather proud of what you are doing. Qu'il y a certaines personnes qui font des choses, et au lieu de s'humilier, elles sentent plutôt d'orgueil face à ce qu'elles font. The Bible says in 1 Corinthians 5, 1 and 2, it says, it is reported that there is fornication amongst you, and not ordinary fornication. Uncommon one, even in amongst the unbelievers, they don't do such things. En 1 Corinthiens 5, 1 à 2, la Bible dit qu'il est dit, on entend dire qu'il y a la fornication chez vous, et pas n'importe quelle fornication, celle qu'on ne trouve même pas chez les païens. Immediately you should be ashamed of yourself. Tu devrais immédiatement avoir honte de toi. He says that instead of that, some of you are puffed up. Il dit au lieu d'en avoir honte, certains s'enorgueillent. So some of us can be doing the wrong thing and at the same time being proud. Certains d'entre nous, nous faisons la mauvaise chose et en même temps nous sommes orgueilleux. In the wrong thing that you are doing, you are proud about it. Dans la mauvaise chose que tu fais, tu es orgueilleux. Or you are so proud that you cannot be corrected. Tu es tellement orgueilleux qu'on ne peut pas te corriger. Because you see nothing wrong with what you are doing. Parce que tu ne vois rien de mal à ce que tu fais. When people tell you, one person, two people, three people tell you that, oh, what you are doing is bad, and you don't see it. Une, deux personnes, trois personnes te disent que ce que tu fais est mal et tu ne le vois pas. Know that there's pride lurking somewhere. Pride is hiding somewhere. Sache qu'il y a de l'orgueil qui se cache quelque part. Because in your mind, you are not wrong. Parce que dans tes pensées, tu n'as pas tort. They are wrong. Ils ont tort. And how dare they come and tell you that you are wrong? Alors comment est-ce qu'ils osent venir vers toi et te dire que tu as tort? Pride. L'orgueil. Comes before a fall. Précède la chute. Amen. Amen. I want us to look at some of the people who showed pride. J'aimerais qu'on regarde à certaines personnes qui ont manifesté l'orgueil dans la Bible. There are many. Ils sont nombreux. Amen. Amen. There's a difference between somebody who's great and somebody who's proud. Il y a une différence entre quelqu'un de grand et quelqu'un d'orgueilleux. There are some people who are naturally great in the sense of maybe achievement. Certaines personnes sont grandes, peut-être dans le sens de leurs accomplissements. Or position. Ou dans leur possession. Position. Leur position. Amen. Amen. But there are some people who have nothing. Il y a certaines personnes qui n'ont rien. But they are still proud. Elles sont orgueilleuses. That's what they call in medicine. There's if they can't find the reason for your symptoms. Il y a quelque chose qu'on appelle en médecine la condition de quelqu'un dont on ne peut pas trouver les symptômes. No, they've seen the symptoms, but they don't know why you have those symptoms. There's no reason behind it. Vu des symptômes, mais on ne connaît pas la cause. You can't understand why you always have a pain in your side. On ne comprend toujours pas pourquoi tu as mal au dos. They've done all the exams. Ils ont fait tous les examens. Ils ont fait tous les tests. They can't find. Ils ne peuvent pas. I know in Africa we say that it's the grandmother in the village. En Afrique, on dit que c'est la grand-mère au village. But in medicine, they call it idiopathic. Mais en médecine, on appelle ça idiopathique. There's no, they can't find the reason. On ne peut pas trouver la raison. There's no cause for you. There's no reason why you should feel that pain here. Il y a pas de raison pour laquelle tu devrais ressentir cette douleur ici. Mm-hmm. Pain without a cause. Douleur sans cause. It's the same with pride. Some of us are suffering from idiopathic pride. C'est la même chose avec l'orgueil. Certains d'entre nous souffrent de l'orgueil idiopathique. You have not accomplished anything. Tu n'as rien accompli. You don't have any position in life. Tu n'as aucune position dans la vie. You are as broke as I am. Tu es aussi fauché que je suis. And yet you are proud. Et tu es orgueilleux. We haven't seen the reason why you have pride. Nous ne voyons pas la raison pour laquelle tu es orgueilleux. There must be. Amen. Amen. So you are suffering from, ask your neighbor, is it you? Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi? Idiopathic pride. L'orgueil idiopathique. There's no cause for you to be proud. Il y a pas de cause de raison pour laquelle tu dois être orgueilleux. You are not more beautiful than anybody. Tu n'es plus belle que personne. You are not more intelligent than anybody. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. You are not more talented than anybody. Tu n'es pas plus talentueux que quelqu'un. And yet you are still proud. Mais tu es orgueilleux. We don't understand why. Nous ne comprenons pas pourquoi. We cannot find the reason why. Nous ne trouvons pas la raison pour laquelle. You are suffering from idiopathic pride. Tu souffres de l'orgueil idiopathique. Amen. Next time you see somebody exhibiting pride, you say, oh brother, I know your problem. À chaque fois que vous voyez quelqu'un manifester l'orgueil, dites, oh frère, je connais ton problème. Yeah. Say, what is my problem? Say, it's okay. Il demande, quel est mon problème? Tu dis, oh, ça va. Hallelujah. Hallelujah. So we want to avoid being proud. Nous voulons éviter d'être orgueilleux. Amen. Avoid being puffed up. Évitons d'être enflé. Look, when you are puffed up, even physically, quand tu es enflé, même physiquement, if your body starts swelling, si ton corps commence à gonfler, there's a medical problem. Il y a un problème médical. If you are going to put on weight, si tu dois prendre du poids, and it's going to be a healthy weight, et ça doit être un poids sain, it will come small, small. Ça doit venir petit à petit. Amen. Amen. Like for example, if I want Aurélie to put on weight, si je veux she will have to be eating a lot poids. Over some time. Elle va devoir beaucoup manger pendant un moment. Before she can get to maybe my size. Avant de devenir peut-être comme moi. But if in 2-3 months I see her and she's my size. Si en 2 ou 3 mois je la vois et elle est comme moi. I will know that there's a problem. Je saurai qu'il y a un problème. A medical condition. Une condition médicale. When you wake up in the morning and your feet are swollen. Quand tu te lèves le matin et tes pieds sont enflés. Yesterday they were not swollen. Hier, ils n'étaient pas enflés. Today they are swollen. Aujourd'hui, ils sont enflés. It's a medical condition. C'est une condition médicale. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So in the same way, when all of a sudden you put on airs, do you understand airs? You take on an attitude. Tu prends des airs. From one day to the next, we don't know the reason why. D'une semaine à une autre, on ne connaît pas la raison. All of a sudden, you feel big. Soudain, tu te sens grand. All of a sudden, you've changed your behavior. Soudain, tu as changé ton comportement. There is a problem. Il y a un problème. Amen. Amen. And it shows that you are sick. Qui montre que tu es malade. Amen. Amen. So we want to learn how to avoid being sick. Alors nous voulons apprendre comment éviter d'être malade. Amen. Amen. So we're going to look at some people who were sick. Alors nous allons voir certaines personnes qui étaient malades. And see what they did. Et nous allons voir ce qu'elles ont fait. Amen. Amen. The first person that we'll look at who exhibited pride in the Bible. La première personne qui a manifesté l'orgueil dans la Bible. Is who? C'est qui? Who? Lucifer. Lucifer. Amen. Amen. Hallelujah. We're looking at 1 Corinthians 4:18 again. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 18. It says now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord wills, and will know not the speech of them which are puffed up, but the power. 1 Corinthiens 4, 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Paul was saying that, look, some of you think you are something. Paul disait, regardez, certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes quelque chose. When I come, I'll be able to tell whether what you think you are has any justification. Quand je viendrai, je serai capable de dire si ce que vous croyez avoir a une justification. There's some people who talk about like, oh me, it's not my fault. And when I, you know, it's just that it's easy for me. And when I do this and when I want this and they talk a lot about I. Certaines personnes disent moi quand je fais ci, quand je fais ça. Ils parlent beaucoup de moi. There's a lot of talk. Il y a beaucoup de paroles. But there's nothing behind the talk. Mais il n'y a rien derrière les paroles. Says when I come, I'll be able to tell. Quand je viendrai, je dirai. I will not look at your speech. Je ne regarderai pas vos paroles. But the power behind. Mais la puissance derrière. See if your speech has weight. Pour voir si tes paroles ont du poids. You know, sometimes you come here, nobody knows you. You come from a different country. Dans un pays étranger, personne nobody te connaît. Nobody knows you. You can talk in a certain way to give an impression of yourself. Tu peux parler d'une certaine manière pour donner une impression de toi. Everybody will be impressed. Tout le monde sera impressionné. Wow. Ils diront wow. When we follow you to your house. Mais quand on te suit chez toi, we will like oh. On se dit oh. We like ah. On se dit I can't see what all the fuss is about. On se dit je ne vois pas pourquoi tout ce bruit. Paul said when I come. Paul dit, quand je viendrai, I will see. Je verrai. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, alors, Lucifer's problem, le problème de Lucifer, is that first and foremost, the first thing, the first mistake he made, was that he had evil ambitions. Sa première erreur, c'est qu'il avait des ambitions maléfiques. Evil ambition. Des ambitions maléfiques, diaboliques. In Isaiah chapter 14, verse 13 and 14. Ésaïe 14, verset 13 à 14. He said, for thou, or it is written, thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the height of the clouds. I will be like the most high. Il est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Amen. I. He had an evil. It's not bad to have ambition. Il n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. It's admirable. C'est admirable. But there's a certain type of ambition when it comes is unhealthy. Il y a un genre d'ambition que quand elles viennent, elles sont malsaines. And it's the root of it is pride. Et leur racine, c'est l'orgueil. For example, you see the choristers, they come on stage. Qui viennent sur l'estrade. And you ask yourself, who is going to sing the lead? Et tu te demandes qui va chanter le solo. Then you see somebody looking for the microphone. Et tu vois quelqu'un chercher le micro. And then you'll be like, Et tu te dis, Okay. Let's see. Voyons. And the person comes to sing. Et la personne vient chanter. And you think, I can do better. Et tu te dis, je peux faire mieux. I can do better. Je and peux faire I mieux. Will show that I can do better. Et je vais montrer que je peux faire mieux. It's a type of ambition. C'est un genre d'ambition. There's another type of ambition. You see somebody coming to sing. Il y a un autre genre d'ambition. Tu vois quelqu'un venir and then chanter. You say that, oh, Charlie, one day I will also sing. Et tu te dis, wow, un jour je vais aussi chanter. One day I would like to sing also like that. Un jour j'aimerais aussi chanter comme ça. One day I will also lead praise and worship. Un jour je vais aussi diriger la louange et l'adoration. It's an ambition. C'est une ambition. But it's different. Mais c'est différent. Amen. Amen. Lucifer suffered from an evil ambition. Lucifer souffrait d'une ambition malsaine. And how can you know when it's evil? It's the motivation behind it. Et comment est-ce que vous saurez si c'est mal? C'est la motivation derrière. The last sentence will tell you that it's evil. I will be like the Most High. La dernière phrase vous dira, je serai semblable au Très-Haut. I will be like him. Je serai comme lui. I have an ambition to be like God. J'ai l'ambition d'être comme Dieu. There are certain positions you shouldn't aspire to. Il y a certaines positions auxquelles nous ne devons pas aspirer. There are certain positions you shouldn't aspire to at a certain time in your life. Il y a certaines positions auxquelles tu ne devrais pas aspirer à un certain moment de ta vie. Amen. It is an evil ambition when you want to rise up too quickly. C'est une ambition malsaine de vouloir t'élever très vite ou monter. Amen. Amen. You are young. You are about to finish school. Vous êtes jeune. Vous êtes sur le point de finir les études. And you are about to go and look for work. Vous êtes sur le point de chercher le travail. When you are recruited, accept to be recruited at a low level. Quand vous serez recruté, acceptez d'être recruté à un niveau bas. A lot of you will turn down jobs because you feel it's not good enough. Certains d'entre vous, vous allez refuser des emplois parce que vous penserez que c'est pas assez bon. And then you'll be questioning God why you are at home 3 years after you finish school and you can't find a job. Et vous allez commencer à poser des questions à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis à la maison depuis 3 ans et je n'arrive pas à trouver un emploi? Because you have an evil ambition. C'est parce que tu as une ambition malsaine. Amen. Amen. Learn to accept your position. Apprends à accepter ta position. And take your time to rise to the level God wants you to be. Et prends ton temps afin de monter au niveau où Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. God says, I want you to be the head and not the tail. Dieu a dit, je veux que tu sois la tête et non la queue. He says, I want you to be above and not beneath. Je veux que tu sois en haut et non en bas. And the Bible tells us that promotion doesn't come from the east nor the west, but it comes from God. La Bible nous dit que la promotion ne vient pas de l'est ni de l'ouest, mais elle vient so de that Dieu. Means God does not want you to stay down. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu sois en bas. He wants you to be lifted up. He wants you to be promoted. Il veut que tu sois élevé et promu. But there's a time. Mais il y a un temps. Amen. Amen. So when you start at the bottom, doesn't mean you will forever be there. Alors quand tu commences en bas, ça ne veut pas dire que tu seras toujours là. Amen. It Amen. Is an evil intention to always want to be ahead of your time. C'est une intention malsaine de above toujours vouloir. Above your position. Devant, avant le temps ou you, au-dessus de ta you position. You cannot finish school and expect to be a director general of a company. Tu peux pas finir l'école et t'attendre à être le directeur général d'une entreprise. Unless you create the company yourself. À moins que ce soit toi qui aies créé l'entreprise. Amen. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And sometimes when we go into these companies and we are promoted quickly, people resent it. Why? Because they don't understand. Parfois, quand nous rentrons dans ces compagnies et nous sommes vite promus, les gens sont réticents parce qu'ils ne comprennent pas they pourquoi. They think you must have done something because it's not a normal thing. Ils se disent que tu as sûrement fait quelque chose parce que c'est pas quelque chose de normal. If you are a woman, they'll say you slept with the boss. Si tu es une femme, on dira que tu as couché avec le patron. If you are a man, they'll say you are related to the boss. Si tu es un homme, on dira que tu es parenté au patron. Amen. Amen. The evil intention, l'intention has malsaine, root of pride. A pour racine l'orgueil. So, but lady pastor, I'm very intelligent. I can do the job. Tu diras, oh lady pastor, je suis très intelligent, je peux faire le travail. If you are that intelligent, start at the bottom, and the doors will open for you like that. Si tu es si intelligent, commence à la base et les portes s'ouvriront pour toi comme ça. Yeah. Don't force your way to the top. Ne force pas pour aller en haut. Amen. Take Amen. Your time. Prends ton temps. Allow the doors to be opened. Permet at the right time. Que les portes s'ouvrent au bon moment. Amen. Amen. Lucifer had an evil ambition. Lucifer avait une ambition malsaine. I will be like God. Je serai comme Dieu. Why is it always Arnaud playing the keyboard? Me too, I'll play. Pourquoi est-ce que c'est toujours Arnaud qui joue au piano? Moi aussi, je vais jouer au piano. That is not the way to play the piano. C'est pas ça la manière, le chemin par lequel il faut passer pour Amen. Jouer au piano. The way is to come in humbly la and expect to be promoted. C'est de venir humblement et Amen. S'attendre à être promu. Amen. Amen. Why did they pick her? And why didn't they pick me? And why is it always her? And why is it not me? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait si et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours elle et pas moi? Because the time is not right. Parce que le temps n'est pas opportun. The door has not yet been opened. La porte n'a pas encore été ouverte. Don't force the door to be opened. Ne force pas la porte à s'ouvrir. Amen. Amen. Either you break the door or you hurt yourself. C'est soit tu vas casser la porte ou tu vas te faire mal. Amen. Amen. I will. Je I am. Vais. Je I... suis. It's an evil ambition. C'est une ambition malsaine. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Watch your motive. Veillez sur vos motifs. Why do you want that position so badly? Pourquoi est-ce que tu veux tant cette position? Why do you want to be the beloved of that particular man? Pourquoi est-ce que tu veux être la bien-aimée de cet homme en particulier? Why do you want to be the wife of this particular man? Pourquoi est-ce que tu veux être l'épouse de cet homme en particulier? Why do you want to be president of your country? Pourquoi est-ce que tu veux être président de ton pays? Why do you want to be the first lady of your country? Pourquoi est-ce que tu veux être la première dame de ton What pays? Is your motivation? Quelle est ta motivation? Yeah. What is it? A lot of our politicians, their motives are bad. La plupart de nos politiciens, leurs motifs sont mauvais. That's why when they get to power, it's disaster from day one. C'est la raison pour laquelle quand ils sont au pouvoir, c'est le désastre depuis le Amen. Premier jour. Amen. Very few of them come because they want to serve the nation. Peu d'entre eux viennent parce qu'ils veulent servir la nation. Amen. Amen. It was an evil ambition that pushed them into politics. C'est une ambition malsaine qui les a poussés dans la politique. And that's where we see the disaster that follows. Et c'est là que nous voyons le désastre qui suit. Amen. Amen. Amen. Amen. It's not bad to dream. C'est pas mauvais de It's rêver. It's not bad to have a good vision. C'est pas mauvais d'avoir une bonne It's vision. It's not bad to have an ambition. C'est pas mauvais d'avoir une ambition. But your motive will determine whether it's a good ambition or an evil ambition. Mais tes motifs vont déterminer si c'est une, ce sont de bonnes ambitions ou de mauvaises. Amen. Amen. The second reason why we know Lucifer was puffed up. La deuxième raison qui nous fait savoir que Lucifer était enflé d'orgueil is that he forgot why and how he was appointed. C'est qu'il a oublié pourquoi et comment il avait été établi. Ezekiel chapter 28 verse 14. Ézéchiel 28 verset 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. It says, I have placed you. I put you there. I, God, I put you there. Il dit, je t'avais placé, moi, Dieu. I c'est put moi you there. Qui t'ai placé là. And today you want to be like me. Et aujourd'hui, tu veux être comme moi. You've forgotten. Tu as oublié. And pride comes to those who forget. Et l'orgueil vient chez ceux that qui is oublient. Why a child can look at his mother and say, I won't do it. C'est la raison pour laquelle un enfant va regarder sa maman et dire, je ne le ferai pas. I won't do it. Je ne le ferai pas. You can't make me. You can't make me. You can't force me. Tu peux pas me forcer. I won't do it. Je ne le ferai pas. Well, come and make me. Come and force me. Viens me forcer. A child. Un enfant. Talking to his mother. Peut parler comme ça à sa mère. Why? Pourquoi? Because now you are taller than your mother. Parce que maintenant tu es plus élancé que ta mère. Or that you've been to school further than your father. Ou tu as fait plus d'études que ton père. You've forgotten. Tu as oublié. You have forgotten. Tu as oublié. You have forgotten that when you were born, you used to poo-poo on yourself and they used to clean your bum. Tu as oublié que quand tu es né, tu faisais caca sur toi et on te nettoyait. Anywhere at all. Partout. And they wipe it. Et on nettoyait ça. You have forgotten that you used to fall down and hurt yourself and cry. Tu as oublié que tu tombais, tu te faisais mal, tu pleurais et on te portait. You have forgotten that when you were sick, they slept with you at the hospital. Tu as oublié que quand tu étais malade, on a dormi avec toi à l'hôpital. Today, aujourd'hui, you are taller than your mother. Tu es plus élancé que ta mère. So you can tell her, I won't go. Et tu lui dis, je ne vais pas partir. I won't do it. Je ne le ferai pas. You forgotten. Tu as oublié. Yeah. You forgotten. So I sometimes when people come, say come and sing, and they say the, then they stop coming to church. It's almost as if it's to punish somebody, or it's like you're worrying me too much. Par exemple, pour laquelle certaines personnes, quand ils viennent, on leur demande de venir it's chanter. Too much of a bother. What you ask me to do is too much. Ils ne viennent plus à l'église, comme si on leur demandait trop de choses. No. Non. You've forgotten that nobody knew you. Tu as oublié que personne ne te connaissait. You've forgotten that somebody appointed you. Tu as oublié que quelqu'un t'a établi. To do what you are doing. Pour faire ce que tu fais. So that today you feel that we are disturbing you. Et aujourd'hui tu sens qu'on te dérange. Hey! You forget that somebody made you a shepherd. Tu as oublié que quelqu'un t'a établi berger. It's like when somebody, I think Bishop gave the story of somebody he had appointed full time, and he called. I think he sent the person to do something. L'évêque raconte l'histoire de quelqu'un, un pasteur à plein temps. Il l'a envoyé faire quelque chose. And then he called him to do something else. Et il l'a appelé pour faire quelque chose d'autre. And he says, ah, but I'm doing what you ask. I'm doing what you asked me to do, or I'm doing what you sent me, something like that. Et il dit, je suis en train de faire ce que tu m'as demandé de faire. Like, hey, hold on a second. Il a dit, hey, attends une seconde. I think you've lost track of what is happening here. Il a dit, je crois que tu as oublié ce qui se passe ici. I said to you, sit in front. Je t'ai dit, assieds-toi devant. Now I say, don't sit here, sit here. Maintenant je dis, ne t'assois pas là, assieds-toi ici. Then you tell me that. Then you tell me that. But you told me to sit here. Et tu me dis, ah, mais c'est toi qui m'as demandé de m'asseoir ici. I know I told you to sit, but now I'm telling you to sit here. Je sais que je t'ai demandé de t'asseoir ici. Yeah, maintenant, je veux que tu t'asseilles. It's not convenient because this is the position that you've given me, and I'm used to it. Et tu dis, c'est la position que tu m'as donnée. Je suis habituée. What is wrong with that picture? Qu'est-ce qui est mauvais avec cette image? Elle a oublié. That she wouldn't be sitting here if I hadn't set her so. Qu'elle ne serait pas assise ici si je ne l'avais pas dit. You talk to your mother that way because you've forgotten. Tu parles comme ça à ta mère parce que tu as oublié. That if she had decided to abort you, you wouldn't be sitting here. Que si elle avait décidé de t'avorter, tu ne serais pas ici. Eh? Or if she had decided to drink alcohol and smoke whilst you were pregnant, you would not be normal sitting here. Ou si elle avait décidé de boire de l'alcool et fumer quand elle était enceinte de toi, tu ne serais pas normal alors que tu es assis là. You've forgotten. Tu as oublié. You've forgotten. Tu as oublié. The sacrifices that they have made. It's not your fault. Les sacrifices qu'ils ont faits, c'est pas ta faute. That today you can stand up and say, I won't go. Et aujourd'hui, tu peux te lever et dire, je ne partirai pas, je ne ferai pas. It's pride. C'est l'orgueil. And that's the mistake Lucifer made. He forgot. Et c'est l'erreur. Who created him in the first place, and it's God who set him in that position that gave him fame, that gave him an opportunity to become great. Que c'est Dieu qui l'avait placé là. C'est lui qui lui avait donné l'opportunité de devenir grand. Yeah. Small position they've given you. La petite position qu'on t'a donnée. Small opportunity they've given you. La petite opportunité qui t'a été donnée. And now it's a bother. Maintenant, c'est une gêne. We can't send you again. On ne peut plus t'envoyer. Like, Bishop, can you please, can I send you to Circle for? And you tell me that, oh, well, what is it that you want me to do? What is it that you want me to do? Oh, vraiment, Christian, est-ce que je peux t'envoyer au deuxième étage? Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? What is it that I want you to do? It's okay. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, ça va. Recently, I asked somebody who had been trained in my house, if I can say it that way. I put the person through school. Récemment, j'ai demandé à quelqu'un qui a été formé chez catering moi, si on peut dire ça comme ça. To be precise. Je l'ai envoyé à l'école de pâtisserie. Today, she's working in a big hotel. Aujourd'hui, elle travaille dans un grand hôtel. She's a sous-chef. Elle est sous-chef. That means she's the second to the chef of the hotel. Ça veut dire qu'elle est la deuxième après le chef principal dans l'hôtel. Je voulais qu'elle vienne faire quelque chose pour moi pendant la période de Noël. Said, oh, are you busy at Christmas? Said, oh, yeah, I'm busy. Je l'ai appelée pour dire, je lui ai demandé, tu es occupée? Elle a dit, oh oui, so, je suis occupée. You to do something. So, oh, I'm busy. Je dis, je voulais que tu fasses quelque chose. Elle a dit, oh, je suis occupée. I'm busy. Yeah, I'm busy. No, she said, yeah, I'm busy. Oui, I je said, suis oh, occupée. Okay. Je dis, oh, ok. Said, oh, but if I have some time, I'll call you. That's what she said to me. Mais si j'ai du temps, je vais t'appeler. C'est ce qu'elle a dit. Immediately, I said, no, there's something wrong. Immédiatement, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va because pas. Because at first, when I call her, I know she's busy. I know she's working. Because she could be on duty. Parce qu'avant, quand je l'appelais, je sais qu'elle est occupée. She would say to me that, oh, is there something you want me to do for you? That's how she would have answered. C'est elle aurait répondu, oh, y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je fasse? Oh, I'm on duty that day, but I can come after. Or I can come tomorrow. She would always have made that suggestion. Je travaille, mais je peux venir demain. But elle faisait toujours cette suggestion. Time, mais maintenant, she said, elle a dit, oh, je suis occupée. And I said to myself, ooh. Et je me suis dit, ooh. We have arrived. Nous sommes arrivés. We have arrived. Nous sommes arrivés. I said, it's not your fault. C'est pas ta faute. It's not your fault at all. C'est pas du tout previously, ta faute. She said, oh, mommy, I can never forget what you've done for me. It's because of you that I am where I am today. I'm so grateful. Oh, mommy, oh, mommy. Avant, elle disait, oh, maman, je peux pas oublier tout ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à toi que je suis où je suis aujourd'hui. Oh, maman. And I always oh, used to say, oh, it's nothing. Oh, it's nothing. Oh, it's nothing. Et moi, je disais, oh, c'est rien, c'est rien. But in my heart, I was like, you better not forget. Et dans mon cœur, je disais, tu ferais mieux de ne pas oublier. But I realized that now she's forgotten. J'ai réalisé que maintenant elle a oublié. So I'm busy. Until today, she has not called me since Christmas. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a pas appelé depuis Noël. So I've decided that it's okay, not a problem. I mean, hey. Alors j'ai décidé, ok, if y a I pas cannot de problème. Prepare whatever that you would have made for me, it's not the end of the world. I can je prepare ne peux pas something préparer else ce que tu, je voulais que tu fasses pour moi. C'est pas la fin du monde. You understand? Est-ce so que vous pride comprenez? Comes when you forget. Alors l'orgueil vient quand tu oublies. Pride comes when you forget. L'orgueil vient quand tu oublies. Now, Pastor Christian, our own bishop, resident bishop, is a big man healing Jesus. Maintenant, notre évêque de la maison est un grand homme à la croisade Jésus qui guérit. Yeah. When we go to crusades and he's the crusade director for the town. Quand nous allons à la croisade et il est le directeur de croisade de la ville, we are subject to what he decides. Nous sommes soumis à ce qu'il décide. He will decide. Il décide. He will decide. Il décide. If you want a car to come for you, il décide s'il faut qu'une voiture vienne te chercher. Can you send a car for me? Tu dis au bishop, j'aimerais aller quelque part. Est-ce que tu peux envoyer une voiture pour moi? He's a big man. C'est un grand homme. When before bishop goes to speak to the government officials, he has to introduce bishop. Avant que l'évêque ne parle au directeur du gouvernement, au membre du gouvernement, c'est lui qui le présente. It's true. C'est vrai. When he's in Abidjan Church, this is his senior pastor. Quand il est à l'église à Abidjan, c'est lui son pasteur principal. He is the assistant to this pastor. Il est l'assistant de ce pasteur, le révérend Albert. But when he's a crusade director. Mais quand il est directeur de croisade, where he can go, Reverend Albert cannot go. Où il va, le révérend Albert ne peut pas aller. You become his petit. Reverend Christian has to decide if Pastor Albert can come and sit on stage or not. Le révérend Christian doit décider si le pasteur Albert doit venir s'asseoir sur la croisade, sur l'estrade ou pas. Has the power to say that no, you cannot be on stage. This is reserved for this person, this person, this person. Le directeur de campagne peut décider si tu dois t'asseoir devant ou pas. C'est réservé pour cette personne. He ou telle autre will personne. Say to the mayor or whoever the town, whatever whoever is in charge of that town, that I'm pleased to introduce to you. This is our bishop, and Bishop Dag cannot enter without Bishop Christian. Et l'évêque Dag ne peut pas entrer sans l'évêque Christian. So he has become a big man. Alors il est devenu un grand homme. In healing Jesus. À la campagne Jésus qui guérit. But any time I go to his town that he is in. Mais à chaque fois que je vais dans la ville où il se trouve. He never forgets me. Il ne m'oublie jamais. He will always organize some drinks, some food, something. Il prépare toujours des boissons, to welcome de la me. Nourriture, quelque chose pour m'accueillir. If I make the mistake and say, oh, I need some credit. He will never collect money from me. He will buy me the credit. Si je fais l'erreur de dire j'ai besoin de crédit, il ne va Even jamais prendre de l'argent de moi. Man. Il va m'acheter du crédit, bien qu'il soit devenu un grand homme. But if one day, mais si un jour, I go for a crusade, je vais pour une croisade. I say, oh, Bishop Christian, please, I need some credit. He'll be like, oh, you know what? We'll see if I can find a car to. Then I'll say, oh. Si je viens à la croisade et je dis, oh, révérend Bishop Christian, j'ai besoin de carte, il dira... He has forgotten the day I suggested to him that, oh, would you like to volunteer for healing Jesus? Il va oublier le jour où je lui ai dit, est-ce que tu veux être volontaire pour la campagne Jésus? He would have forgotten that he was on his way back to Abidjan to look for a job in what? What did you do in school? Computer, IT, something. Il aura oublié le jour où il When repartait God arrested him. En Côte d'Ivoire pour chercher le travail et Dieu l'a arrêté. By my hand. Par ma main. He would have forgotten. Il aurait oublié. Yeah. I remember that they were up. Je me souviens ce jour on était en haut. And I think he thought he was going for 2 weeks or 4 weeks or something. Je crois qu'il s'est dit qu'il allait thought, pour trois semaines. Then. J'avais dit 3 semaines. And it's now how many? Almost 5 years. Maintenant ça fait presque 5 ans. He has still not returned. Il n'est toujours pas revenu. He would have forgotten. Il aurait oublié. Pride L'orgueil comes when you forget. Vient quand tu oublies. Pride L'orgueil comes when you forget. Vient quand tu oublies. Amen. Amen. Satan forgot. Satan oublie. He forgot the joy he had when he was serving God. Il oublie la joie qu'il avait quand il servait Dieu. He forgot that if God had not put him in that position to lead praise and worship, nobody would have known he had a gift. Il a oublié que si Dieu ne l'avait pas mis sous cette position à la louange et l'adoration, personne n'aurait su qu'il avait un don. Nobody. Personne. Nobody would have realized that, wow, this guy is talented. Personne n'aurait réalisé que wow, ce gars est talentueux. I don't think he would have even realized. I would never have put myself in this position. Je ne me serais jamais mise dans sa position. This position. Dans cette position. If I get up today and say that Bishop is calling me, I say, oh Lord, I'm preaching, huh? Excuse me, you have to wait till I finish my service and I have to counsel one or two people. So why don't we, you say Bishop is looking for me, tell him that I'm preaching and afterwards I have to counsel my sheep. And today is not convenient, maybe let me see, tomorrow, if I have some time, I'll give him a call. Okay, tell him I'll give him a call. Si l'évêque m'appelle, je dis, je suis en train de prêcher, je n'ai pas de temps. It means something bad que demain je vais l'appeler. Ça veut dire que quelque chose de mal m'est arrivé. It means something has happened to me. Ça veut dire que quelque chose de mal m'est arrivé. There must be. Il doit avoir. Amen. I would have forgotten that if it wasn't for him, I wouldn't even know how to hold a microphone. J'aurais oublié que si ce n'était pas lui, je n'aurais pas su comment tenir un micro. To stand in front of somebody to say I'm preaching. Et me tenir devant quelqu'un et dire que je prêche. I would have forgotten. J'aurais oublié. Amen. Amen. So when you forget, quand vous oubliez, you are candidate for pride. Vous êtes candidat pour l'orgueil. No matter where you go, quel que soit où vous allez, no matter where you end up, quel que soit où vous finirez, don't forget, n'oubliez pas, those who helped you along the way, ceux qui vous ont aidé en chemin. Amen. Amen. Today, aujourd'hui, Pastor Gildas in Gabon, le pasteur Gildas au Gabon, he is known, il est connu, in Lighthouse, à Lighthouse, he doesn't need me for anything, not even 1 minute. Il n'a pas besoin de moi pour quoi que ce soit. He can send a message to Bishop. Bishop will respond. Il peut envoyer un message à l'évêque et il va répondre. He can call the den office and ask for something. They will send it. Il peut appeler le bureau des comptes, demander quelque chose et on va envoyer. I don't know what he's doing. I don't know where he. I don't know anything about what he's doing. Je ne sais rien de ce qu'il fait. And I don't have to know. Mais j'ai pas besoin de savoir. Because I'm not. We are not linked in any way. Parce que nous ne sommes connectés d'aucune manière. At a point, I was his GO, but now I'm not his GO. À un moment, j'étais superviseur de son église. Maintenant, je ne suis plus. Il but était sous mon autorité. But he is somebody who has never ever forgotten that once he was a sheep in this church. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié qu'une fois, il a été brebis dans cette église. Most of the time, he talks about things that I don't remember. La plupart du temps, il parle des choses dont je ne me souviens pas. Ah, you did this for me. I said me. Yeah, tu as fait ceci pour moi. Je dis moi. Me. I don't remember. But he has not forgotten. Mais il n'a pas oublié. And because of that, he is. I'm always surprised. Et à cause de ça, je suis toujours surprise. How he can honor me. De la manière à laquelle il m'honore. But there are some other people. Mais il y a d'autres personnes. Who I remember. What I have done for them. Dont je me souviens de ce que j'ai fait pour eux. Even a phone call, I don't get. Même un coup de fil, je ne reçois pas. I don't get. Je ne reçois pas. It's not that I'm looking for a phone call. C'est pas que je cherche un coup de fil. I'm very busy. Je suis très occupée. But it says something. Mais ça dit quelque about chose the person. Concernant la personne. Like a person has forgotten. Que la personne a oublié. The person has forgotten. La personne a oublié. Reverend Gildas, he doesn't call me mommy. Reverend Gildas ne m'appelle pas maman. But he honors me more than a mother. Mais il m'honore plus qu'une mère. The ones that call me mommy, ceux qui m'appellent maman. I just listen. I just listen. J'écoute seulement. And I know that this person has forgotten. Je sais que cette personne a oublié. Forgotten. La personne a oublié. Amen. Amen. And me, that is a sign of pride. Et pour moi, c'est un signe d'orgueil. According to the word of God. Selon la parole de Dieu. Amen. Amen. I'm not asking for recognition. Please don't get me wrong. Je ne demande pas la reconnaissance. I'm just saying that there's a principle behind. Je dis juste qu'il y a un principe derrière. When you forget. Quand vous oubliez. When you forget. Quand vous oubliez. When you forget. Quand vous oubliez. It's a sign that you are proud. C'est un signe qui montre que vous êtes orgueilleux. Or it is a symptom that there's something wrong. Ou c'est un symptôme qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. You've been set. At a position. Tu as été établi à un poste. And then, because of that setting up, et à cause de ce poste, your attitude changes. Ton attitude change. It's now become a bother. Ça devient une gêne. When we ask you to do that thing, it's a bother. Ou un fardeau quand on te demande de faire cette chose. It's a sign. C'est un signe. That you are forgetting. Que tu es en train d'oublier. Amen. Amen. Amen. Amen. So we need to be careful. Alors nous devons faire attention. Hallelujah. Hallelujah. To not fall in that position. Afin de ne pas tomber dans cette position. To become puffed up. Devenir enflé d'orgueil. Like Lucifer was. Comme Lucifer l'a été. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And very similar to that, I'm ending soon. You can become puffed up. Tu peux être enflé d'orgueil comme Lucifer. When you forget that you were created. Quand tu oublies que tu as été créé. The first one is you were appointed. Le premier point dit que tu as été établi, placé. And now you were created. Maintenant tu as été créé. I owe everything I am in this church. Je dois tout ce que je suis à cette église. To one person. Dans cette église à une personne. That's Bishop Dag. C'est l'évêque Dag. I can never forget it. Je ne peux jamais oublier Because ça. What I remember rather was I was running away from this appointment. Parce que ce dont je me souviens plutôt, c'est que je fuyais ce poste. I was running, physically running away from this appointment. Je fuyais physiquement When ce I poste. See him coming like this, then I pass. Quand je le vois venir comme ça, je passe par But I know you ask me, are you going? Je savais qu'il allait me demander, est-ce que tu vas le faire? At first, when I see him come, oh hello, we used to chat. But Avant, the day he asked me to become the pastor of this church, when I see him coming like this, I'm going there. Avant, quand je le voyais, on pouvait discuter, salut, ça va. Mais le jour qu'il m'a demandé de devenir pasteur de cette église, quand je le voyais ici, je fuyais là-bas. The day I decided to say yes was the day he said, oh, I see that I'm disturbing you. Now. Le jour que j'ai décidé de dire oui, le jour qu'il a dit, oh, je vois que je te dérange. Merci. That's when I realized, miséricorde. Something wrong with what I'm doing. Non, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que je fais. Today, aujourd'hui, here I am. Me voici. I hear mommy from the left, mommy from the right. J'entends maman à gauche, maman à droite. Mommy from this country, mommy from that country. Maman dans ce pays, maman dans cet autre pays. Mommy from here, mommy from here. Maman ici, maman là-bas. From nations. Des nations. I have children in many countries. J'ai des enfants dans plusieurs pays. Hey, forgive. I have children calling me all over the place. J'ai des enfants qui m'appellent pas. I cannot even keep up. Je ne peux même pas rester en cours. I cannot. Je ne peux pas. Then Galatians 6:6 comes and then I collect. Et Galates 6:6 vient et je prends. I collect. Je prends. And then it's like, oh, God is blessing me. Je dis, oh, Dieu me bénit. Oh, fantastic. My birthday, I collect. Mon anniversaire, je prends. I eat cake. Je mange le gâteau. I don't pay for the cake. Je I don't know how it comes. Gâteau. I'm here and je the cake Je ne sais pas comes. Comment ça vient. Je suis ici, le gâteau vient. Champagne. Le champagne. Then there's a gift. Il y a un cadeau. Underground gift. I'll be there. There's somebody say, oh, mommy, you bless me. And then they slip me an envelope. Il y a quelque chose là. Quelqu'un m'a dit, oh, maman, tu m'as béni. Et puis, il glisse une enveloppe. Et je me dis, hey, est-ce que c'est moi? How easy it would be for me to forget. Comment est-ce que ça peut être facile That pour moi d'oublier somebody created, if you like, que quelqu'un a créé, me. Que quelqu'un m'a créé, si on peut dire ça comme ça. Yeah. Somebody allowed me. Quelqu'un m'a permis. It would be very prideful, proud on my part. Ce serait vraiment orgueilleux de ma part d'oublier. To forget, like oh, I've also arrived. So, you say, Bishop was me. Oh, I have a convention in Gabon. So, tell him that the Healing Jesus Crusade, he should postpone it. Il dit, on dit, oh, Bishop m'appelle. Je dis, non, j'ai une convention au Gabon. Alors, dites-lui de renvoyer hey! La croix d'Avril qui guérit. Hey! Okay. Yeah, no problem. Can you imagine? It's your reaction. Imaginer. That's the same way you behave. C'est la, When c'est God la même asks manière you for... Comportez. 30 minutes of your time. Quand Dieu te demande 30 God minutes de to ton send temps. You to Papua New Guinea. What? Il veut t'envoyer en Papua Nouvelle-Guinée. Tu dis what? Quoi? You've forgotten. Tu as oublié. You've forgotten. Tu as oublié. How your best friend died at age 25. Comment ton meilleur ami est mort à l'âge de 25 ans. Et maintenant, tu as 26 He ans. Died at 19. Il est mort à 19 ans. You've forgotten. Tu as oublié. How you were in the same accident with your best friend and he died and you are still alive. Quand tu étais dans le même accident avec ton meilleur ami, il est mort et tu es toujours You've forgotten. En vie. Tu as oublié. Yeah. Or how you all came to Ghana together. Today your best friend has gone back home. He doesn't speak English. He didn't get any diplomas. He was busy smoking, drinking. He failed all his exams and he's gone back with no paper. And you are here, serving God. Ou comment ton meilleur ami et toi, vous êtes venu au Ghana, il est reparti, il n'a pas de diplôme, il ne parle pas anglais. Send you to Papua New Guinea. Tu as oublié et Dieu ne peut pas t'envoyer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. He can't. Gaston, can God send you to Papua New Guinea? Do you know where Papua New Guinea is? Est-ce que Dieu peut t'envoyer en Papua Nouvelle-Guinée? Est-ce que tu connais même où ça se trouve? Yeah. We've forgotten. Tu as oublié. Terry, you were praying a lot during the fasting. Tu priais beaucoup pendant la période de jeûne. That the sweet influence of the Holy Spirit should be upon you. Afin que la douce influence du Saint-Esprit soit sur toi. Est-ce qu'il peut t'envoyer en Papua Nouvelle-Guinée? It's a question. C'est une question. Amen. Amen. May we not never forget. Puissions-nous ne jamais oublier. Has set us up. Que Dieu nous has a établi. Established us. Il nous a placés. Today you know more than you did when you first came. Aujourd'hui tu connais plus que ce que tu connaissais quand tu étais venu. Tu es arrivé. You have more knowledge. Tu as plus de connaissances. You've grown spiritually. Tu as grandi spirituellement. You can take the Bible and share with somebody. Tu peux prendre la Bible et partager avec quelqu'un. Don't forget. N'oubliez pas. That there was a time where you knew nothing. Qu'il y a un temps où vous ne savez rien, saviez rien. There was a time where you didn't even know that you could share the word of God and preach. Il y a un temps où tu ne savais même pas que tu pouvais partager la parole et prêcher. You could lead somebody to Christ. Il y a un temps où tu ne savais même pas que tu pouvais emmener quelqu'un à Christ. There was a time. Amen. Amen. Let's not be like Lucifer. Ne soyons pas comme Lucifer. Amen. Amen. Don't wait to fall from your position. N'attends pas de tomber de ta position. Before you know that you were proud. Avant de te rendre compte que tu étais orgueilleux. That's what happened to Satan. It's when c'est he was kicked out of Satan. Heaven that you, I'm sure it hit him that something bad has happened to me. C'est ce qui est arrivé à Satan. Je suis sûr que c'est quand il a été chassé du ciel qu'il s'est rendu compte que quelque chose de mal était arrivé. Pride comes before a fall. L'orgueil précède la chute. So as he was kicked out, quand il a été chassé, there must have been pride. Il y avait sûrement l'orgueil. When your position is overturned and given to another, know that there was pride. Quand ta position est changée et donnée à quelqu'un d'autre, sache qu'il y a de l'orgueil. Amen. Amen. You think you are something. Tu crois que tu es quelque chose. So, alors, your position has been taken from you. Ta position a été prise. Sharp. It's not a problem. I don't have a problem choosing somebody who is not as qualified as you to do the work. Je n'ai pas de problème à choisir quelqu'un qui n'est pas aussi qualifié que toi. Because I know that I was not qualified to do what I'm doing. Parce que je sais que je n'étais pas qualifié à faire ce que je faisais. But somebody appointed me. Mais quelqu'un m'a établi. Amen. Amen. By the grace of God, 10 years later, I'm still in the position. Et par la grâce de Dieu, après 10 ans, je suis toujours dans la même position. Yeah. So if you notice that when I'm selecting, there doesn't seem to be any logic or any scientific reason. Si quand vous me voyez choisir, vous vous rendez compte que il n'y a pas de raison logique ou scientifique. I just choose. Je choisis tout simplement. Sometimes I don't. Parfois, je ne comprends pas pourquoi. Amen. Amen. Know that God is able to use everybody. Mais je sais que as Dieu peut long utiliser as there is tout a le willingness monde. And an availability. À moins juste s'il y a la volonté et la disponibilité. Amen. Amen. Amen. Amen. So may the Lord help us. Que Dieu nous aide to overcome and overturn every spirit of pride. À surmonter et renverser tout esprit d'orgueil. Every temptation to be proud. Toute tentation à être orgueilleux. Every temptation to think highly of ourselves. Toute tentation à avoir une opinion may haute de nous-mêmes. May we remember that we are nothing. Puissons-nous nous rappeler que nous ne sommes rien. And that it is God who is everything. Et que c'est Dieu qui est tout. It is God who puts in us the desire to do. Et c'est Dieu qui met en nous le vouloir. He who gives us the ability to do. Et c'est lui qui nous donne la capacité de may faire. We never forget. Puissions-nous ne jamais oublier the God we serve. Le Dieu que nous servons. Hallelujah. Hallelujah. May we never forget what he has done for us. N'oublions jamais ce qu'il a fait pour and nous. May we never forget anybody who has done anything for us. Et n'oublions personne qui a fait quelque chose pour nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Stand to your feet. Levez-vous s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to thank God for His word. Nous voulons remercier Dieu pour sa parole. I want to thank God for the grace. Nous voulons remercier Dieu pour la grâce. Be a servant in His house. D'être servant dans sa maison. The Bible says that if you want to be great in the kingdom of God, la Bible dit que si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, you must be a servant first. Tu dois être un serviteur. So as we are learning about pride, alors que nous apprenons concernant l'orgueil, I think God wants to lift us up. Je crois que Dieu veut nous élever. God wants to lift us up. Dieu veut nous élever. May we never forget. Just open your mouth right now. Juste speak ouvre to ta God. Bouche maintenant et parle à Dieu. Tell him, God, I don't want to forget where I came from. Dis, Dieu, je ne veux pas oublier d'où tu m'as tiré. I don't want to forget who I was before I came here. Je ne veux pas oublier qui j'étais avant de venir ici. I don't want to forget who I was before I knew you. Je ne veux pas oublier qui j'étais avant de t'avoir connu. May I never forget those who have helped me to become who I am. Seigneur, que je ne puisse pas oublier ceux qui m'ont aidé à devenir qui je suis, ceux qui m'ont donné les opportunités. Father, help me never to forget. Père, aide-moi à ne jamais oublier. May I never be like the people of Israel who forgot what you did for them. Seigneur, que je ne sois pas comme le peuple d'Israël qui a oublié ce que tu as fait May pour eux. May I never forget that I was nothing and I am nothing. Que je n'oublie pas que je n'étais rien et que je ne suis help rien. Help me, oh God, not to walk in pride. Aide-moi, oh Seigneur, à marcher dans l'humilité. Oh God, I thank you. I thank you. I thank you for your word. Seigneur, je te remercie pour ta parole. I thank you for this time in your presence. Je te remercie pour ces moments dans ta présence. I pray for humility in my heart. Je prie pour l'humilité dans mon cœur. May I never consider myself to be higher than I am. Que je ne puisse pas avoir une trop haute opinion de ce que je suis. May I always see myself through your eyes. Seigneur, que je puisse toujours me voir à travers tes yeux. All that I am and all that I have belongs to you. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis t'appartient. Oh, thank you, Father. Thank you for loving me just as I am. Merci, Père, de m'aimer tel que je suis. Help me, oh God, aide-moi not to be proud. À ne pas être orgueilleux. Help me not to be proud, Lord. Aide-moi à ne pas être orgueilleuse. Help me to be grateful at all times. Aide-moi à être reconnaissant en for every opportunity and every opportunity you give me, Lord. Pour toute opportunité que tu m'as donnée. Thank you, Father. Merci, Père. Father, I bless you and I thank you for this time that we have spent in your presence. I pray, Father, for your children, Lord, tonight. May we overcome every spirit of pride that is lurking in us. May we walk in humility, O God. May we understand that you hate pride and you hate a proud look. Keep us humble, O God. Keep us and preserve us from all pride. May we not be like Lucifer who forgot. May we not be like Lucifer who had evil ambitions, O God. May we not be like Lucifer who forgot that he was created and he was appointed. Deliver us from evil, O God. And may we always remember that we are but dust. We are but vapor. Thank you, Father, for choosing us and for lifting us up and for delivering us from evil. We bless you and we thank you in Jesus' name. As we still with an attitude of prayer with our eyes closed, toujours dans une attitude de prière avec nos yeux fermés, I want to pray for you tonight. J'aimerais prier pour toi ce soir. If you are here and you don't know Jesus as your personal savior. Si tu es ici, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel. You are here and you don't know if you'll go to heaven or hell when you die. Tu es ici et tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer quand tu mourras. I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. You don't know what will happen to you when you die. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu mourras. The Bible says that if a man is not born again, he cannot see the kingdom of God. La Bible dit que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. The Bible says that you must believe in your heart and confess with your mouth. La Bible dit que tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche. Before you can be saved. Avant d'être sauvé. Tonight you want to be saved. Ce soir, tu veux être sauvé. You want to experience the salvation of God. Tu veux expérimenter le salut de Dieu. Just lift up your hand and I will pray with you. Juste lève ta main, je vais prier tonight, avec you want toi. To say, God, I know I'm a sinner. Ce soir, tu veux dire, Seigneur, je sais que je suis pécheur. If I die tonight, I want to be sure of where I'm going. Si je meurs ce soir, je veux être sûr de l'endroit où j'irai. Please lift up your hand and I will pray with you. S'il te plaît, lève ta main et je vais prier pour toi. You want to give your life to Jesus tonight? Tu veux donner ta vie à Jésus ce soir? Please lift up your hand so I can see you. S'il te plaît, lève ta main afin que je puisse te voir. If your hand is lifted up, I want to pray for you. Si ta main est levée, j'aimerais prier pour toi. I want to ask you to please come to me in front. J'aimerais te demander de venir vers moi devant. Come to me in front and I'll pray with you. Viens vers moi devant et je prierai avec toi. Please. S'il te plaît. Don't be ashamed. N'aie pas honte. Just come to the front. Viens tout simplement devant. And let us pray. Et nous allons prier. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Let us pray together. Prions ensemble. I want to ask everybody to close their eyes and pray this prayer. Je veux demander à tout le monde de fermer les yeux et de prier. And we'll pray. Please repeat after me. S'il te plaît, répète après moi. Make this prayer your personal prayer. Fais de cette prière ta prière personnelle. Ok, donc prions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Ce soir, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Par ton sang précieux. Seigneur, aujourd'hui, je prends une décision. Je vais te suivre. Et je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Je ne veux plus retourner à ma vie passée. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. Et je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Maître de ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Et merci pour ton salut. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime mon Seigneur. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ma sœur, ne parle pas encore. Voyez la sœur juste ici. Elle aimerait te parler. Celui-là, elle va te dire un mot. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénisse.